que quand la lumière s'éteindrait, peut-être qu'à ce moment-là, le spectacle allait commencer. Paris, le 16 juillet. Chers tous, quelques mots pour vous dire que nous sommes tous aux Veldives, vélodrome d'hiver. Nous sommes tous assis tout autour, sur les fauteuils, comme au spectacle, mais ce sont nous les artistes. Inutile de vous dire que c'est archi plein. Nous sommes tous dans une situation peu enviable. Il y a un remue-ménage, je ne vous dis que ça, avec tous ces enfants, il y en a qui se perdent, il y a des malades et on ne s'entend presque pas. Nous avons tous un mal de tête fou. On ne sait pas combien de temps on restera ici. En tout cas, pour la première journée, j'en ai marre. Je ne fais que pleurer. Je ne crois pas que ça me serve à quelque chose, mais c'est plus fort que moi. Pour le moment, faites un peu attention chez nous. Ce que vous pourrez prendre, prenez-le, fouillez partout. Vous trouverez bien des choses à manger. De gros baisers de ma part à vous tous et à Maurice, que je n'ai pas vu avant de partir. Votre amie pour toujours, Rachel. Je t'ai pris le 16 juillet, moi et ma femme, et puis mon frère avec cette gosse. 4 jours à Veldiv. Les 4 jours ont été traités très mal. Les conditions étaient très sales. Ma fille était malade et c'était rien à faire pour voir quelque chose pour ma fille pour se soigner. Et puis, les 4 jours, on n'était pas aussi rien du tout pour la question manger, pour se laver, pour des choses essentielles. Et alors, maman, qui était une femme d'un très grand courage et toujours rassurante, nous dit, les enfants, vous inquiétez pas, on va pas rester là. Vous savez, là, ils vont peut-être contrôler les papiers. On est là juste pour quelques heures parce que vous voyez bien, il n'y a aucune structure. Donc, vous inquiétez pas, c'est juste probablement pour quelques heures et on va pas rester là. Les 16 et 17 juillet 1942, un peu plus de 13 000 juifs vont être arrêtés par la police française. 4115 enfants, 2916 femmes et 1129 hommes furent conduits au Veldiv, le vélodrome d'hiver rue Nélaton dans le 15e arrondissement de Paris. Ils y resteront jusqu'au 22 juillet. Il n'y a pas d'agents de police dedans. Il n'y a que des juifs, il y a des juifs. Des enfants, des femmes, des cris de femmes. Annette Krasger. Et puis on va rester là, jour et nuit, dans une telle chaleur, avec un tel bruit. Il y avait des bruits. Je prends un adjectif que j'utilisais pas à l'époque parce que je le connaissais pas, d'hystérique, de femme qui criait. Et la chaleur, et fermée. Et alors la nuit, c'était épouvantable de rester toujours assis. On pouvait se lever, on pouvait circuler, mais on finissait toujours par s'asseoir. Alors c'était impossible de dormir dans ces surstrapantins. Alors maman a sorti quelques affaires qu'elle avait prises comme ça, je sais pas, une serviette de toilette, je ne sais pas ce qu'elle avait sorti, pour qu'on puisse au moins s'allonger entre deux rangées de strapontins pour avoir les jambes allongées, parce qu'on ne pouvait plus rester comme ça. Alors on circulait, on pouvait sortir un peu dehors, parce qu'il y avait une toute petite cour dehors, entre un mur et le Veldiv lui-même. Là, ils avaient installé ce qu'on a appelé après des tinettes, c'est-à-dire des grands cylindres en métal où on pouvait faire ses besoins. Et alors, là, on pouvait prendre un peu d'air frais. C'était une journée magnifique. Il faisait un très beau soleil, un 16 juillet, un jeudi. Archives du mémorial de la Shoah. Sarah Montard. Et on est arrivé, justement, au Veldiv, qui était un vélodrome où il y avait les courses cyclistes. Je me souviens encore, on voyait aux actualités, les 6 jours de Paris se couraient au vélodrome d'hiver. Bon, c'était beaucoup moins grand que notre Bercy de maintenant, enfin que le parc Omnisports, bien sûr. Mais enfin, c'était important, le Veldiv. Et on nous a fait descendre des autobus avec nos valises. Et ma mère, nous, je crois qu'on était une famille d'évadeurs, parce que ma mère m'a dit... On va s'en aller. Elle est partie avec la valise. Alors, il y a un des flics qui lui dit, mais qu'est-ce que vous faites? Elle dit, mais écoutez, ma fille n'a pas déjeuné. Il y a un café en face. Je vais l'emmener déjeuner. Bon, je vous suis. Je vous attendrai. Il nous a attendus. Nous, on est entrés dans le café. Il nous a attendus le temps qu'on prenne notre déjeuner. Et il nous a ramenés. Et il nous a poussés dans le Veldiv. Et c'était quelque chose de c'était sinistre, ce Veldiv, parce que les gens avaient l'air de cadavres déjà dans ce Veldiv. Alors, il y avait déjà pas mal de monde. Il était 9 heures du matin et on m'a dit qu'il y avait déjà 4500 personnes. Et j'ai su après qu'au Veldiv, on n'emmenait que les gens qui avaient de la famille. Les gens qui n'avaient pas d'enfants, on les envoyait à Drancy. Et il y avait des petits-enfants qui étaient là, mais silencieux, ils disaient rien. Il y en avait certains, ben, au cours de la journée, effectivement, bon, les enfants ont commencé à bouger, à remuer. Il y avait juste des infirmières de la Croix-Rouge qui distribuaient du lait aux petits-enfants. Mais on n'a pas eu à manger, rien du tout. Et alors, les gens arrivaient, on retrouvait des petits camarades aussi. Ah, ben, tu es là aussi, toi et moi aussi, et voilà. Mais on ne savait pas ce qui nous attendait, ça, de toute façon, on ne pouvait pas deviner ce qui nous attendait. Mais enfin, c'était pas drôle, mais c'était bien de retrouver des camarades aussi. Et au fur et à mesure que la journée s'avançait, on emmenait des gens. Alors, il y en avait qui hurlaient, des femmes qui se retrouvaient, qui pleuraient, qui se tombaient dans les bras l'une de l'autre en pleurant. Et tu sais, ma voisine, une telle, s'est jetée par la fenêtre du 3e étage. Et il y en a une qui a jeté ses enfants par la fenêtre avant de se jeter aussi. Il y a eu des drames terribles. Il y avait quelques water, là, des toilettes qui ont été tout de suite bouchées. C'était épouvantable. Alors, des enfants, vous ne pouvez pas les empêcher, mais même les grandes personnes. Les gens faisaient dans les coins, ça sent. Il y avait une odeur épouvantable. Et puis, à un moment, il y avait une petite pièce où les gens, les flics, dressaient des lits de camp. Il y a deux femmes qui disaient « Oh là là, c'est là-dessus qu'on va dormir ». Il dit « Non, non, ça c'est pour nous. Vous, vous dormez là, sur les gradins, enfin là où on était, sur la pelouse et sur les gradins ». C'était des gradins superposés. On était, je ne peux pas vous dire si c'était au 5e rang, au 6e rang, mais nous avions 5 strapontins, c'était les strapontins, 5 strapontins l'un à côté de l'autre, pour mes parents et mes deux sœurs et moi. Joseph Weissmann. Et je peux me rappeler qu'il n'y avait pas une place de libre. Sans boire, sans manger. La seule chose qui a existé réellement, je ne m'en souvenais pas, mais je sais que ça a existé, c'est les pompiers qui ont délivré de l'eau. Mais de bouffe, on n'a rien vu. Il n'a été rien distribué. Mais peut-être qu'il a été distribué. J'ai entendu quelqu'un qui a dit s'il avait été distribué des sardines. Je n'en ai aucun souvenir. Moi, je me rappelle qu'on est... Moi, j'ai le petit garçon de 11 ans qui vous parle, là, puisque nous sommes le 16 juillet et que mon anniversaire, c'est le 19 juin. Je suis assis sur mon strapontin, comme dans une bulle. Je respire à petits coups. Je ne bouge pas, je ne fais pas de vagues. Et à un moment donné, maman me dit, écoute, tu vas aller voir si mes deux frères, elles sont là. Tu sais, tes deux oncles, Albert. Et j'ai été pris d'une panique, j'ai dit, je ne vais jamais retrouver ma place. Si je me lève pour aller, j'étais là-bas, c'était un océan humain. Mais maman, elle voulait, j'obéissais à maman. Et j'ai fait le tour. Je n'ai pas pu dévisager 13 000 personnes. Maman, je ne les ai pas trouvées. T'as bien regardé? Oui, je ne les ai pas trouvées. D'ailleurs, ils n'ont pas été arrêtés. Je l'ai su par la suite. Voilà ce que je peux vous dire du Veldiv. Je n'osais pas respirer. Il y a quelqu'un qui s'est jeté au dégradin. Une femme s'est écrasée par terre. Elle est morte dans une flaque de sang. Je ne vivais pas. Je vivotais aussi petitement que possible. Minuscule. Quand on est arrivé au Vélodrome, il y avait déjà du monde. Hélène Zitniki. Il était déjà presque plein. Enfin, s'il n'était pas plein, il s'est vite rempli. On a été pratiquement, on était là-haut. Les gens étaient affolés. On ne savait pas ce qui nous attendait. On a passé, je ne sais plus, 3 ou 4 jours au Vélodrome. Ça a tout de suite été les latrines. Enfin, ça a été vite bouché de tous les côtés. C'était les mères, les enfants qui se perdaient, qui couraient partout. Les mères qui appelaient les enfants, c'était des cris, des pleurs. Je pense que je suis restée près de ma mère sans arrêt. Je ne la quittais pas. Et alors là, on tombe sur je ne sais pas si c'est un gendarme, il paraît que c'était des gendarmes au Veldiv. Je ne me souviens plus, enfin c'était des hommes, des Français, on n'a pas vu aucun Allemand. Hein. Aucun moment. Et dans toute la suite de l'histoire, on ne verra jamais aucun Allemand non plus. Mais là, c'était un Français qui était un gradé avec des galons. Et il était affalé entre deux tinettes, assis sur une espèce de marche. Il était complètement affalé. Et alors, maman lui dit, combien de temps on va rester là? Qu'est-ce qu'on va faire de nous? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Et alors le gendarme, la gradé, complètement effondré, qui lui dit, écoutez, je n'en sais rien. C'est impossible ce qu'on nous fait faire. Je n'en peux plus, c'est pas possible, moi je n'en sais rien. Et maman nous dit, si ça se trouve, c'est nous qui devrions le rassurer. Et c'est la seule personne, au cours de l'histoire que je vais continuer de vous raconter, portant un uniforme, qui a montré la moindre humanité envers nous. Voilà. Ça a été le seul. Mais dont je me rappelle, parce que c'est maman qui, ayant encore un peu d'humour, parce que maman était une femme d'une qualité humaine absolument remarquable. Et voilà. Donc on est resté comme ça. On est resté jusqu'au dimanche matin. Ça, c'est le 17 juillet. Il est 22h15. Madame Gauthier, infirmière de service au Vélodrome d'hiver, téléphone sur le conseil du secrétariat du préfet de la Seine pour demander à la police de Paris de mettre à sa disposition les couvertures, bassins, cuvettes dont les internés ont le plus grand besoin. Je suis allée au Veldiv. Annette Manoléris, 15 novembre 1994. J'ai vu qu'il n'y avait rien à faire sur place parce que c'est une pagaille invraisemblable. C'est que vraiment des gosses, des hommes, des femmes, des femmes qui accouchaient de tout dans tous les coins du Veldiv, des plans inclinés où les gosses sur leur fond de culotte faisaient du toboggan, enfin une poussière, il n'y a pas de water suffisamment, c'est quelque chose d'épouvantable. Annette Manoléris, vous êtes allée le 16 juillet 1942, le jour de la rafle du Veldiv, vous vous êtes rendue... La rafle m'a prévenue qu'il y avait une rafle et que les gens étaient au Veldiv. Alors j'ai pris mes troupes et je suis entrée au Veldiv, en tenue croix rouge comme ça. Vos troupes, vous étiez combien? Comme croix rouge, combien nous étions? Peut-être une dizaine. Bon, chacune y a été de son côté. Comme ça, spontanément. Et qu'est-ce que vous pensiez pouvoir faire? Rien. À l'intérieur du Vélodrome, le 18 juillet 1942, Mademoiselle Denise Tavernier, assistante sociale, qui écrit « Les Juifs commencent à réagir. Il y a des femmes en crise nerveuse, des enfants malades. Les tinettes sont bouchées. Les gens prennent à partie la police française. L'état d'esprit est mauvais. » Les nouilles ne sont pas arrivées, il n'y a pas d'eau, pas assez de pain. Soupe à toute heure, deux médecins seulement, il pleut dedans. Je me souviens que les pompiers sont arrivés à un moment avec un gros tuyau pour apporter de l'eau, parce qu'il n'y avait pas d'eau, pour se laver les mains même, on ne pouvait pas. Annette Crasgère. Alors, à ce moment-là, il y a eu une fuite d'eau dans la partie plane du Veldiv en bas. Et il y avait des gens qui s'y étaient installés, justement, parce que les gradins, c'était quand même pas facile de rester toujours sur les gradins. Et alors, d'un seul coup, on a vu des gens qui étaient encore là, qui étaient restés là, qui s'étaient installés là, et on voyait de l'eau, des pompiers qui grimpaient. Et les gens, ils bougeaient pas. Et on a été prise d'un fou rire, mais complètement, mais délirant. Parce qu'on se demandait s'ils allaient attendre que l'eau monte. Enfin, je raconte ça parce que, ça nous paraissait une ambiance de folie complète dans laquelle on se trouvait, parce qu'on avait même des moments en se disant, mais on est dans un cauchemar, c'est pas la réalité, c'est pas possible, quoi. Puis si près de la tour Eiffel, et puis tous ces femmes et ces enfants, et puis... Donc, à un moment, on se demandait si on n'est pas pris d'une espèce de cauchemar, quoi. On était hors du temps, on était hors des lieux, on était complètement... Et de voir ces gens qui bougeaient pas parce qu'ils avaient une place pleine, et on voyait les pompiers avec leurs trucs, et puis ça débutait la course. Et on a été pris toutes les trois d'un fou rire incroyable qu'on pouvait plus contrôler. Et alors il y a des gens à côté de nous qui nous ont engueulés, en disant, comment, dans l'état où on est, comment vous pouvez rire? Et enfin, je vous raconte dans l'état psychologique dans lequel nous étions. C'est là, c'est écrit du Veldiv, ça. Qui a écrit ça, c'est maman? Oui. Donc là, c'est quelle date? Elle écrit le 18. Le 18 juillet, hein. Vous voyez, hein. C'est la même jolie écriture, maman. Oui. Nous sommes toujours au Veldiv. et je t'assure que le spectacle n'est pas fameux. Il y a des milliers de femmes, d'hommes et enfants. Nous sommes courageuses. Demain, on statuera peut-être sur mon cas. Les enfants sont auprès de moi. Elles sont un peu fatiguées. Paris, le 17 juillet 1942. Chère Hélène, ces quelques mots pour t'informer de nos nouvelles. Pour l'instant, nous ne savons pas ce qu'il va advenir de nous. J'espère que vous, vous êtes au moins en liberté. Donne bien le bonjour à tes parents et demande à ta mère qu'elle s'avise si Madame Rabhi est encore présente. Voulez-vous avoir l'obligeance de bien vouloir nous expédier tout ce que vous pourrez? Voici mon adresse. Madame Levenstadt, Vélodrome d'Hiver. Donc on reste au Veldiv et ben on n'a pas pensé sortir du Veldiv. D'abord, ça paraissait pas évident. Puis on ne voulait pas quitter maman non plus. Notre angoisse, nous, elle était double. C'était savoir ce que nous allions devenir. Alors on pensait à la vie d'avant déjà, alors que ça datait de quelques jours. Et on se disait quand même, dormir dans son lit, manger à une table, pouvoir faire sa toilette, pouvoir aller au WC, tout ça, ça nous paraissait parti complètement dans un autre monde, dont on nous avait extraits, et on ne savait pas pourquoi. Les hommes, on s'est dit, ils vont aller travailler, mais femmes et enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire de nous? Alors cette question-là, ça nous angoisse terriblement. Et nous, ma sœur et moi, est-ce que maman va rester avec nous? Et une crainte terrible, c'est de perdre maman. Parce que maman, c'est notre point d'ancrage. C'était maman, c'était tout. Et puis, à un moment, on a vu arriver des brancards avec des moribonds. Sarah Montard. Et puis des chaises de paralytiques avec des paralysés. Or, quand on avait demandé aux flics, on avait demandé quand même qu'est-ce qu'on va faire de nous. Et on s'est dit, on va vous envoyer travailler en Allemagne. Alors ma mère, elle s'est dit, bon, bah, les enfants iront à l'école pendant que les parents travaillent. Enfin, il y aura une garderie, il y aura quelque chose pour les enfants. Mais quand elle a vu arriver les paralytiques et puis les moribonds, elle a dit, non, ça, on les a menti. C'est pas vrai. Et elle dit, il faut qu'on se sauve. Et elle m'a dit, toi, tu vas te sauver la première. Quand je t'aurai vu partir, je me sauverai aussi, après. Alors, elle m'a donné ma carte d'alimentation, parce que ça, c'était très précieux, et 100 francs, qui était une grosse somme à l'époque. Et puis, alors, naïve comme elle était, elle a mis un petit papier dans la valise, avec notre nom et notre adresse. Elle dit, peut-être qu'ils nous la renverront. Bon, ça, c'était vraiment de la naïveté. Mais enfin, elle avait eu quand même une bonne jugeote. Et j'ai essayé donc de me glisser dehors. Mais à chaque fois, on me rattrapait. On me disait, mais vous rentrez. Hein, faut pas être au bord de la porte, rentrez. Parce qu'il arrivait toujours d'autres autobus. Et alors, il y avait tous les gens de la rue étaient aux fenêtres, évidemment, les gens qui habitaient dans cette rue Nélaton. Et il y avait un groupe de badauds également, à, mettons, 3 mètres, oui, cette distance-là, de cette grande porte d'entrée. Bon, alors, je me suis glissée, j'ai réussi à me glisser derrière un des flics et à reculer vers les gens. Donc c'est comme si je m'étais avancée d'un mètre du groupe de gens qui étaient là. Alors le flic me dit « qu'est-ce que vous faites là ?» Alors tout de suite, je dis bon, « je ne suis pas juive, je suis venue voir quelqu'un. » Il me dit « foutez-moi le camp, vous reviendrez demain. » Et alors j'ai marché. Au bout de la rue, il y avait des barrages. On arrêtait les gens et je me dis « ça y est, ils vont m'arrêter ». Non, ils m'ont laissé passer, ils ont cru que je venais d'un immeuble ou peut-être que, je sais pas, j'ai eu de la chance ce jour-là. Et puis j'ai pris le métro et je suis partie, ma mère m'avait dit d'aller chez des amis justement et ils habitaient boulevard Saint-Jacques. Et quand je suis descendue du métro, je vois ma mère qui descend de la même rame que moi et elle s'était sauvée 20 minutes après moi. Alors elle, ça a été plus compliqué parce qu'elle parlait mal le français, enfin elle avait un accent, elle parlait mal même aussi. Et alors, elle essayait de sortir, on la renvoyait. Et elle disait au flic, écoutez, faites comme si vous ne me voyez pas. Il dit, mais madame, quand je ne serai plus en service, vous pourrez faire ce que vous voulez, mais pour l'instant, vous retournez. Elle a réussi, comme moi aussi, à se glisser. Elle a, derrière, un des flics, et elle a avisé un balayeur de rue qui était là, qui balayait le ruisseau avec son balai en paille de riz, ils avaient à cette époque-là. Alors elle est venue vers lui, elle lui a pris le bras, elle dit « parlez-moi, faites comme si j'étais une amie à vous » et tout. Et il l'a fait, ils ont causé gentiment tous les deux, Et au bout de la rue, il y avait le barrage de flics. Ils les ont laissés passer, évidemment, parce qu'elle était avec ce balayeur des rues. C'est extraordinaire, quand même. Et qui devait être un arabe, d'ailleurs. J'y pense maintenant, parce que c'était eux qui balayaient les rues, en général. Paris, le 18 juillet 1942. Chers oncles, tantes et cousines, nous sommes très malheureux. À chaque instant, il y a de nouveaux malades. Il y a des femmes enceintes, des aveugles. Nous couchons par terre. Je ne sais si on pourra supporter encore longtemps ceci. Maman n'en peut plus. Je ne peux pas en écrire plus long et nous espérons vous revoir bientôt. Jeannot pleure tout le temps parce qu'il veut retourner à la maison. Clara. Alors on est appelé par haut-parleur. Famille Weissmann, Shmuel Weissmann, Soura Weissmann, Joseph Weissmann, Charlotte Weissmann, Rachelin, présentez-vous à la porte pour monter dans un autobus qui vous attend. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, papa s'est adressé au commandant. Je le vois et je l'entends, je suis à côté de lui, et dit « Mon commandant, j'ai été dans l'armée, j'ai servi la France, est-ce que je peux vous demander où nous allons ?» Et le commandant lui a répondu, je l'entends, je ne peux pas vous le dire, parce que je ne le sais pas, mais je vous donne ma parole d'officier que vous ne quittez pas la France. C'est ce que je me souviens. Il y a des choses qui frappent comme ça, on ne sait pas pourquoi. Et donc nous sommes montés dans l'autobus. Et puis donc, on sort le dimanche, on a entendu nos noms difficilement, parce qu'avec le brouhaha continu jour et nuit, avec toujours ces phares comme ça qui nous éblouissaient, on entend nos noms et on sort. Et là, il y a des autobus, on remonte dans les autobus et on traverse Paris. C'était dimanche. Il faisait très chaud, il y avait du soleil. Quelques Parisiens sur les trottoirs qui marchent, qui ne nous voient pas. On est invisible. Pourtant, des femmes et des enfants, on les voit à travers l'autobus quand même. Puis des agents quand même sur la plateforme. On est invisible, on est complètement invisible. On revoit quelques bâtiments officiels avec les grandes banderoles, avec la croix gammée, et on arrive à la gare de Sterlitz. Et là, maman nous dit, « Ah ben mes enfants, on reste en France. » Parce que Austerlitz, c'est le centre de la France. Et on est surpris parce qu'on va du côté des marchandises. Et on fait monter là le wagon à bestiaux. Et c'était des wagons à bestiaux qui étaient utilisés pour les transports de troupes, essentiellement, pour des chevaux, avec de la paille par terre. Et on nous dit, montez là-dedans. Et puis c'est comme ça qu'on est transporté. Où nous mène-t-on? On ne sait toujours pas. Il fait chaud, on n'a pas bu, on n'a pas mangé. Les enfants pleurent, ils crient, les parents s'énervent. Et puis pipi caca. Et puis on ne sait pas où on va. C'est complètement fermé. Et finalement, quand ils ouvrent, que le train s'arrête, qu'on nous fait descendre des wagons à bestiaux, abrutis, assommés, triste, sale, on voit qu'on est à la gare de Pithiviers. À ce moment-là, il y avait une gare à Pithiviers. Et maman nous dit, oh ben, on nous emmène sûrement dans le camp de Pithiviers, où on avait mis ceux, les hommes, qu'on avait arrêtés avant nous. Le 22 juillet, le Veldiv est évacué. Alors, 22 juillet 1942, 8h du matin... Petite note en provenance du cabinet du préfet signé de la police municipale. Les juifs internés au Veldiv ont été dirigés ce matin sur la gare d'Austerlitz à destination des camps. 50 malades seront conduits à Drancy. Dans une heure environ, le vélodrome d'hiver sera libre. À 9h, il n'y avait plus rien. Tout ce que je sais, c'est que pendant très longtemps, dans ma vie normale, y compris dans ma vie de mère, je ne supportais pas les cris des enfants. Tellement les cris des enfants, ça me réveillait. Et puis, On est allé à Orange, au théâtre romain, là, pour voir, je ne sais plus, un opéra, l'été. Et j'ai pas supporté les gradins. On est sorti à l'entracte parce que je supportais plus d'être sur les gradins. J'étais avec mon mari, hein. Et je supportais plus. Hein. Et d'un seul coup, j'ai été prise d'un sentiment qui est sorti comme ça. Et même mes enfants, quand ils pleuraient beaucoup, ça me rappelait le Veldiv. C'est vous dire à quel point ça a été le Veldiv. Ça a été l'horreur. Merci à Annette Krasger, à Karen Taïeb et à Lior Smadja du Mémorial de la Shoah pour leurs archives. Merci également à Nathalie Minard, responsable du pôle image du service des archives de la préfecture de police. Merci à Véronique de Saint-Pastou pour les archivina. Mixage, Antoine Viossa. Attaché d'émission, Marivonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervran. La rafle du Veldiv, un documentaire d'Alain Lefkovitch, réalisé par Séverine Cassard.